Section 6 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La lecture, tome 6e. Section 6. Au pays de Millet. Gruchy-Gréville. Par Eugène Müller. Aux dernières vacances, époque où il est convenu que les Parisiens doivent s'échapper de Paris, le vent du hasard nous poussa du côté de Cherbourg. À la gare, une patache nous prit, qui, après avoir roulé pendant l'espace de 3 lieues dans la direction de l'ouest, nous déposa, au lieu-dit Landemer, au front d'une haute falaise, devant une porte au-dessus de laquelle on lit « Maison Millet ». Nous trouvons asile chez le frère cadet du grand artiste, honnête menuisier qui tient là une petite hôtellerie-restaurant où les bons chers bourgeois viennent, en partie joyeuse, le dimanche, tabler et chanter après boire sous la tonnelle. Séjour absolument rustique, dont le confort élémentaire est relevé par la pureté de l'air et le pittoresque de la situation. Devant nous, c'est-à-dire au nord-est, la Manche avec ses immensités relatives. Je dis relative parce qu'à 6 ou 7 kilomètres derrière nous, c'est-à-dire au sud-ouest, se trouve une haute rive faisant face aux vastitudes beaucoup plus imposantes de l'Atlantique. Nous sommes au point d'étranglement de la langue de terre qui, sous le nom de la Hague, forme entre deux mers une sorte de région bien distincte, tant comme configuration du sol que comme nature de végétation, et je crois même aussi comme type d'habitant. À l'est, au lointain, Cherbourg et sa fameuse digue, qui lui cache la vraie mer. Plus près, une longue plage sableuse, que bordent des prairies, au travers desquelles s'aventurent quelques arbres tordus et tourmentés par les rafales du large. À droite des prés, la base légèrement inclinée de coteaux à pente douce, tout feuillu. De ci, de là, des chalets, des hameaux, des villages que dominent 2 ou 3 petits clochers. Juste au bas de notre logis, dans la coupure que fait un ruisseau, jasant au fond d'une herbeuse vallée, commence cette hague aux aspects particuliers. De là part, pour accidenter capricieusement le rivage, la falaise, dont les hauts profils mordent à noires dents sur le pourpre ardent des couchers de soleil. Non pas la falaise dite normande, butte crayeuse se ravinant, s'écroulant à pic sous les attaques du flot, mais la sourcilleuse, la fière falaise de granit, déjà toute armoricaine. Comme rivage, un chaos de blocs que blanchit la vague ou que noircissent le soleil et les brumes. Aux flancs escarpés, un revêtement obscur d'ajoncs et de fougères. Au sommet, tantôt de lourdes croupes nues d'un gris de fer, tantôt des pics aux silhouettes farouches, toutes barbues de lierre sombre, toutes moustachues d'herbes folles. Ça et là, au fond des criques qui festonnent la côte, des grottes ouvrent leurs gueules sinistres, où la haute mer vient se tordre et mugir. À travers les pentes, packages communaux, errent, laissés à eux-mêmes, 2 pieds entravés, quelques boutons aux ternes toisons. En bas, le douanier allant et venant d'une marche ennuyée, de l'une à l'autre des huttes de terre et de paille, où il s'abrite pendant la pluie, tache de son triste habit vert et du brillant de sa carabine, le sentier roux que ses pas ont tracé. Si nous gagnons le haut pays, formant plateau sur un espace de quelques 2 lieues de large, entre les 2 versants opposés des falaises, partout, une végétation assez intense, d'ailleurs favorisée par un climat brumeux, mais exceptionnellement doux, où le fuchsia, l'hortensia, l'oranger, et certains palmiers même peuvent hiverner en pleine terre, mais sans cesse passent, d'une mer à l'autre, par-dessus cette presqu'île ou pointe de continent, les souffles salins, qui, jetant un hâle bronzé sur toutes les verdures, semblent frapper d'interdit tout essor qui gênerait leur passage. Là, point d'arbres qui puissent librement, finement, follement, écheveler son feuillage, point de haies qui dardent hardi vers le ciel des pousses nouvelles. Là, rien ne s'élève que pour se rabattre bientôt, presque nulle pointe visant le zénith. En vain chercheriez-vous aux attaillés, même sur le saule, même sur le condrier, le bâton droit du voyageur. Toute ramure se tord, se pelotonne, s'enchevêtre sur elle-même, comprimée par les haleines de l'océan. Là, d'ailleurs, ni taillis, ni futaies, non plus que larges champs en culture, à peine quelques lopins de céréales ou de racines potagères. Partout ailleurs, des pâtures permanentes, closes de haies et nues pour la plupart, quelques-unes cependant plantées de pommiers bas et plats. Entre ces haies touffues, se cachent, pour le passage des bestiaux et des gens qui vont aux clôtures, des chemins, des sentiers creux et comme couverts. En les suivant, point de plus longue échappée pour le regard qu'une autre haie, vue au bout du champ, à travers la barrière qui sert de porte à cette enceinte. Sur ce territoire, à peine ondulé, une ou deux vallées cependant se creusent, qui, dans leur profondeur, où court un clair ruisseau, cachent de tout autre aspect. En ces contrebas, dont les replis défient les vents de mer, liberté pleine auprès de verdir gaiement, à l'arbrisseau, à l'arbre des lancers, d'étaler leurs rameaux. Là se voient de légères feuillées peintes de touches claires, drapant les moulins, dont on entend le joyeux tic-tac et qui, tout blanc poudré, font coquette mine au milieu de ces luxuriantes fraîcheurs. Seul franc sourire, seule note un peu bruyante en cette mélancolique région, d'un coloris que je voudrais qualifier silencieux et sourd. Un jour, donc, nous avions trouvé, nous, c'est-à-dire mon fils et moi, nous avions trouvé, dis-je, et suivi au bruit de sa claire chanson, un de ces ruisseaux qui, après quelques détours dans la vallée, nous avaient forcément conduits au rivage désolé. Ces douces eaux tombaient là en cascades brillantes, dans un gouffre de roches brunes, où la langue écumeuse et clapotante du flot amer venait les boire. Pour savoir si par là existe quelque autre de ces oasis, nous longeons la côte. Bientôt un fil humide, coupant la falaise, nous fait prendre un sentier qui raye obliquement la pente, à travers les bruyères. Et quand, après une rue d'escalade, nous croyons que nos regards vont plonger dans une gorge verte, devant nous se montre une morne ondulation de champs qu'entrecoupent encore ces mêmes haies obscures, par-dessus lesquelles un hameau disperse des murs d'un gris de cendre et des toits couverts de lames de pierre verdâtre, empâtées de chaux, d'un blanc cru. À ce moment, passe près de nous un homme, une femme, allant faire de la jonc et de la bruyère sur la falaise, tous deux chaussés de gros sabots plats et camards. L'homme, la face perdue, jusqu'aux lèvres sous le cône d'un vieux feutre éraillé. Au flanc, une large ceinture brune. Une main dans le gant de cuir qui doit la protéger des piqûres de la jonc. La femme, coiffée de deux madras décolorés, l'un serrant la tête jusqu'aux sourcils, l'autre formant par-dessus, pour abri de soleil, barrette à deux versants. Au-dessous, d'un corsage de cotonnade, une épaisse jupe noirâtre tombe à plis lourds des hanches rebondies. Nous leur demandons le nom de ce hameau. « Gruchy !» répond l'homme. « Le village de Gréville doit être sur la gauche. » « Ah, pardon, sur la droite. »« Est-il encore loin d'ici ?»« Ah, pardon, 5 minutes au plus. »« Ce chemin-là doit y conduire ?»« Ah, pardon. » »« Il vous faudra prendre à gauche du lavoir, puis tourner à droite, après une grande cour. »« Ah, pardon. » Et toujours « Ah, pardon. » Chaque fois que la réponse appelle la négative. Dans le langage du pays, la particule « non » semble sans doute comporter un trop blessant démenti. « Ah, pardon. » la supplée invariablement. Très curieux d'ailleurs, mais parfois assez difficile à entendre, le langage local, français dénaturé et non patois proprement dit, traînant, contenu avec de molles inflexions et des finales flûtées. Maintes fois, le « ché » y remplace le « s » ou le « c » doux, et, par contre, le « que » substitue sa dureté à la douceur du « che » normal. La diphtongue y perd sa dualité et volontiers le prononce en esquive. Par exemple, la robuste vachère, qui malgré les ardeurs de l'été aura mis sur elle tous les jupons qu'elle possède, pour que l'épaisseur de sa taille la fasse considérer comme une plus belle barque gaillarde. La vachère vous dira, parlant de la bête qu'elle trait, « C'est une bonne raque. Ma n'est pas bidouche. Serait bitout né une coup de chabot. C'est une bonne vache, mais elle n'est pas bien douce. Elle vous aurait bientôt donné un coup de sabot. » Nous passons, longeant un ado pierreux, nous arrivons au lavoir, creusé en plein rocher, devant une de ces massives maisons, à peine ajourées, bâties et couvertes de pierres qui sont les chaumières du pays. Là, une vieille femme est agenouillée, qui tord et bat, sur la dalle oblique, quelques nippes sordides. Pour nous regarder passer, elle soulève la corne du gros mouchoir bleu dont elle a noué les pointes sous son cou et qui nous cachait son visage. Une génisse, montrant à un fenêtron d'étable, son mufle fauve et son œil stupide nous saluent d'un rauque bloquement. En prenant à gauche du lavoir, ont-ils dit, nous devons arriver dans une grande cour. Cette cour, la voici sans doute, espace séparant une maison d'habitation à porte basse, à fenêtre étroite, des granges, étables ou remises, formant un long bâtiment qui, du pied au faîte, ne montre que pierre grise ou dalles verdâtres. Sur le sol, jonché de bruyères sèches, une charrette dételée, des brouettes, des faux, indiquent les travaux de la ferme. Entre la maison et les granges, seul horizon du logis, dans une sorte de haute ruche pointue, bâtie de cette même et éternelle pierre grise, s'ouvre une niche où l'on voit la poulie et la chaîne d'un puits. Mais dans ce mur, au-dessus de la porte, une pierre plate est encastrée, où quelques mots ont été gravés. Nous lisons. Le peintre J. François Millet est né dans cette maison, le 4 octobre 1815. Non seulement c'est là qu'il est né, mais c'est là qu'il a vécu ses 21 premières années, me dit la fermière, la sœur de l'illustre défunt, qui est venue sur le seuil, pendant que mon fils est allé tout aussitôt s'installer sur le brancard de la charrette, pour crayonner un souvenir de cette demeure désormais historique. Entrez, monsieur. J'entre. L'intérieur, où l'esquisse de propreté dit l'ordre et l'aisance, est resté ce qu'il était au temps de l'enfance du peintre. Haute cheminée, meubles et sièges de sapin bruni, escabeau, horloge dans sa gaine. C'est là, voyez-vous, près de cette fenêtre, à vitre étroite au travers desquelles ne se voit que le puits gris et les granges grises, c'est là qu'il se mettait toujours, depuis tout petit, pour faire ses dessins. Oh oui, depuis tout petit. Un jour, à peine avait-il 4 ans alors, le père demandait aux enfants quel métier ils voudraient prendre. « Moi, dit François, je ferai des noms, des bonhommes. » Il en faisait déjà, et il en a fait chez nous pendant au moins 20 ans, tout en travaillant à la ferme sans que personne y fît trop attention, et sans qu'on pensât que François dût jamais quitter l'état de paysan. Mais voilà qu'un jour, des messieurs virent ses dessins. Ils dirent au père de l'envoyer à Cherbourg, à l'école de la ville, on l'y envoya. Il avait 21 ans et quelques mois. Il eut le premier prix. Ce prix lui valut une pension de la ville pour aller à Paris. Il y alla, et c'est seulement depuis qu'il ne fut plus paysan de son métier. Est-il resté quelques-uns de ses dessins d'enfance? Aucun dans la famille, tous s'est perdu, ou à peu près. Un bourgeois de Cherbourg, qui a d'ailleurs un chalet à l'eau de mer, à côté de l'auberge de mon frère, a cependant dans ce chalet une grande image de berger avec des moutons, et aussi le dessin qui valut à François le prix de la ville. Il vous le montrera volontiers. Nous les vîmes, en effet, au retour. Le dessin du concours est une tête classique quelconque, vigoureusement hachurée au crayon noir. L'autre dessin, quoiqu'une note manuscrite mise au bas dise que le jeune paysan le fit sans avoir encore jamais vu ni tableau ni gravure, est très évidemment inspiré, comme composition, de quelque image d'Estelle et Némorin, venue d'Épinal ou de Montbéliard. Car assis dans une attitude de trumeau, une fontaine à ses pieds, le berger joue du chalumeau. Une houlette est, je crois, près de lui. Mais le paysage est bien pris dans la falaise rocheuse qui avoisine le hameau natal. Mais le berger est bien homme du pays. Mais les moutons sont bien des bêtes des bruyères. Le croquis de la maison est achevé. Nous nous dirigeons sur Gréville. Ce village dont la vieille et simple église, depuis qu'elle figure à l'état de chef-d'œuvre pictural au Louvre, est devenu l'objet d'un pèlerinage artistique. Le chemin suivi nous mène en face du portail sans style précis, dont l'âge nous échappe, mais qui date assurément d'avant la conquête française de cette terre normande. Dans le cimetière qui entoure l'église, bien que les couches funèbres y soient très nombreuses, à peine quelques petits monuments, érigés sans doute par des familles bourgeoises nouvelles venues au pays, car on n'en voit aucun dans le tableau de Millet, fait il y a 17 ans, couvrent çà et là une dépouille mortelle. Partout ailleurs, de longues rangées de tertres bonbons le gazon, mais pas une croix ne les surmonte, pas un nom rappelé sur le bois noir ou sur la pierre blanche, pas une fleur plantée ou déposée, pas une couronne, aucun hommage enfin de ceux qui sont encore à ceux qui ne le sont plus. Est-ce abandon réel ou forme plus intime du pieux souvenir? Comme nous cherchons à nous rendre compte du point perspectif où l'artiste a dû se placer pour disposer son célèbre tableau, un prêtre sort de l'église, jeune encore, à physionomie très ouverte, très accueillante, l'aimable desservant nous est aussitôt un zélé cicérone. Après un coup d'œil donné aux pauvres, mais très caractéristique intérieur de l'église, où pour toute œuvre d'art ne se voit guère que 4 bizarres images d'animaux, servant de chapiteaux aux colonnettes d'une voussure de chapelle, où elles symbolisent les évangélistes, nous nous dirigeons, à travers le cimetière, vers une maison dont les fenêtres regardent de biais le côté sud du vieil édifice. C'est la très rustique mais très propète petite auberge où papa et maman Polydore, deux des plus braves gens de toute la Hague, nous dit monsieur le curé, donnèrent, en 1870, l'hospitalité au peintre et à sa famille, que la venue des Prussiens avait chassée de Barbizon. Note. Barbizon, village près de Fontainebleau, où Millet s'était fixé depuis longtemps et où il mourut en 1876. Il avait été question d'acquérir, pour la conserver, en souvenir du grand peintre. La maison qu'il habitait, aujourd'hui, l'on parle de démolir cette maison et ne conserver que l'atelier. Fin de note. Il prit sa vue d'une des fenêtres du premier, celle de la petite salle à manger, où de nombreux touristes s'assoient chaque année pour avoir devant eux, pendant le repas, l'original du chef-d'œuvre. À côté est la chambre, le lit, qu'occupa le peintre, et qui, pendant la belle saison, reste bien rarement inoccupé, non plus que deux ou trois autres chambrettes, où logeaient les enfants. Ah, ce qu'il y en avait, les enfants! Figurez-vous, monsieur, qu'il nous en arrivèrent à 11 personnes, le père, la mère, les 8 petits et la servante, nous dit monsieur Polydore, dont la ronde et bonne face s'épanouit franchement au souvenir de cette familiale invasion. Vous comprenez, la maison n'est pas bien grande. Mais il n'y avait pas à dire. Fallait s'arranger. On fit comme ça qu'on put. Et ma fille, on s'arrangit. Et voyez-vous, c'est en seulement alors que les 11 furent sur le départ qu'il y eut un moment d'ennui. Nous les aurions voulu garder toujours. Le soleil baisse. Il faut reprendre la route de l'Andemer. Le brave curé, tout simple, tout cordial, vrai type, comme tous nous l'ont dit plus tard, du modeste mais vaillant pasteur d'âme veut nous reconduire jusqu'au bout du village. Chemin faisant, nous comprenons qu'il n'est pas sans éprouver quelque satisfaction chrétienne en rattachant à son église le nom, l'œuvre de l'artiste qu'il n'a pas connue, mais dont la mémoire personnelle est bien vivante au pays, où la famille est encore assez nombreuse, car ils étaient 8 aussi dans la maison paternelle. « Famille pieuse, nous dit-il. Enfant, il assista souvent le prêtre aux saintes offices. Jeune homme, presque jusqu'à son départ, il resta turiféraire au jour de grande fête. Dans le charme de ce tableau si apprécié, pour sa saisissante simplicité, croyez-vous que rien ne soit dû au souvenir que la vue de cette vieille sainte maison évoquait dans l'esprit, dans le cœur du petit paysan devenu grand peintre? Si maintenant vous me demandez pourquoi j'ai cru devoir noter, rappeler tout cela, cite et physionomie, lieu et gens, aspects et propos, c'est qu'il m'a semblé qu'en ce qui touche à la formation, à l'enfantement d'une haute personnalité, d'un vigoureux tempérament artistique, rien ne saurait être indifférent ou inutile à recueillir des moindres comme des plus fortes influences qui ont dû concourir à cette formation, à cet enfantement. On connaît l'homme, on connaît l'œuvre. Peut-être cela s'expliquera-t-on mieux en connaissant le pays. Fin de la section 6.